Vous écoutez France Culture. Quatrième et dernier temps de notre semaine consacrée à l'année 1973. Après avoir lundi évoqué le cinéma et sa liberté de ton de cette année-là, puis mardi dans le documentaire d'Anaïs Quin et de Françoise Camard que vous pouvez écouter ou réécouter sur notre site www.franceculture.fr, avoir parlé des conséquences de la crise sur la ville du Havre et hier avoir évoqué la guerre du Kippour, nous allons ce matin nous plonger dans la crise de 1973. Quelle était la nature de cette crise? Une crise pétrolière, une crise monétaire, une crise sociétale, une crise économique? L'augmentation du prix du pétrole décidée par les pays producteurs est-elle le seul facteur à mettre en cause dans ce qui allait plonger les pays développés dans le chômage de masse? Pourquoi les économistes furent-ils plongés dans le désarroi, eux, face à cette crise? C'est ce que nous verrons avec Anaïs Quin, qui a préparé cette semaine avec nous, et avec Lucette Levent-Lemel. Elle est professeure émérite en histoire économique, spécialiste des théories économiques et de leur application par les hommes politiques en particulier. Jean Vigreux, il est professeur d'histoire, il prépare un ouvrage à paraître aux éditions du Seuil en janvier prochain dans la collection de la nouvelle histoire de la France, donc sur la période 1958-1981 de cette histoire de France. Et Alain Beltran, il est directeur de recherche au CNRS, il est spécialiste d'histoire économique et d'histoire de l'énergie. Commençons cette émission, comme tous les jeudis désormais, par quelques brèves sur l'histoire et son actualité puisées dans les journaux, les revues et sur le net. Tout d'abord, une découverte, en tout cas pour moi, ça ne l'est peut-être pas pour vous, le site coursdefrance.fr qui rassemble depuis 2007 des contributions de chercheuses et de chercheurs sur les pratiques de cours. Ce projet, indépendant de toute institution, rassemble des chercheurs de toutes disciplines sur la vie de cours et il est piloté par une association. Cours de France accueille des projets de recherche, par exemple sur la médecine de cours, et réalise des entretiens avec des chercheurs, des historiens et des historiennes qui ont renouvelé les études sur la Cour de France. Mis sur la piste hier par un tweet de la tweeteuse Isline, je suis donc tombé sur un intéressant entretien de l'historien Philippe Contamine, spécialiste de la guerre à la fin du Moyen-Âge, interrogé par la chercheuse Caroline Zumkolk, qui est présidente de l'association Cour de France. Il raconte, Philippe Contamine, comment, né en 1932 d'un père historien qui travaillait déjà sur l'histoire militaire, il a vécu toute la guerre à Caen et a donc connu les bombardements de 1944, et comment il a fait un service militaire assez long en Algérie, dit-il. Cette expérience a joué un rôle très important dans mon choix, confie l'historien de la guerre médiévale à Caroline Zumkolk. J'ai été frappé par deux choses. Premièrement, l'institution militaire avec ses grandeurs et ses servitudes, à mon niveau beaucoup plus de servitude que de grandeur, et ensuite la guerre, le courage, la peur, la violence légitime et les bouleversements que la guerre, qu'il s'agisse d'une guerre coloniale ou de toute autre, entraîne, provoque dans la société à tous égards. Bouleversements institutionnels, bouleversements sociaux, bouleversements économiques ou mentaux. Donc, cette expérience vécue de l'intérieur, mois après mois, car la situation évoluait très vite, a été pour moi, conclut donc Philippe Contamine dans cet entretien, très intéressante, je dirais même formatrice. La suite de cet entretien, passionnant, est donc à lire en ligne sur le site coursdefrance.fr. De Cours de France, il est aussi question dans un des derniers billets du blog Histoire Globale, pour lequel plusieurs chercheurs en histoire globale, bien sûr, contribuent. Donc Vincent Capdepuis nous y raconte l'histoire d'un roitelet nègre à la cour de Louis XIV. Il s'appelait Aniaba, il venait de Guinée et se retrouve au début du XVIIe siècle, à la toute fin du XVIe siècle, donc du XVIIe siècle, pardon, à la Versailles, où il est baptisé par Bossuet. Plusieurs chroniques de l'époque nous en parlent, explique Vincent Capdepuis dans son article pour Histoire Globale. Nous sommes alors en plein développement de la traite négrière, donc entre 1690 et 1700. Aniaba, fils d'un roi d'Assini, arrive à Paris à 13 ans et se voit livrer une pension par Louis XIV. fonde un ordre de chevalerie avant de repartir en Afrique pour succéder à son père, décédé. Mais à peine revenu chez lui, et alors que les Français misent sur son royaume comme étant un second Pérou, on dit ça à l'époque, Aniaba déçoit. On s'était aperçu, écrit une chronique de l'époque, dès qu'il avait mis le pied en Afrique et qu'il s'était dépouillé des habits des Français pour se mettre nu comme ses compatriotes, qu'il s'était en même temps dépouillé de tous ses sentiments d'honnête homme et de chrétien. Et Vincent Cap depuis de nous raconter les aléas de la mémoire d'Aniaba jusqu'à aujourd'hui, en particulier pendant la période coloniale. C'est à lire sur le blog Histoire Globale, où on trouve également des contributions de Laurent Testot, de Philippe Norel ou encore de Chloé Morel. D'esclavage et de traite, il est également question dans l'article publié lundi dans La Croix et tiré d'une dépêche de l'AFP. Il rend compte de la dernière campagne de fouilles menée sur l'îlot désertique de Tromelin dans l'océan Indien. C'est à 540 km au nord de La Réunion. En 1761, un navire de la Compagnie des Indes Orientales qui transporte clandestinement 160 esclaves s'échoue sur cet îlot. Quelques semaines plus tard, les hommes d'équipage qui ont rafistolé un rafiot de fortune repartent en promettant aux esclaves de revenir le chercher. Évidemment, ils ne le feront jamais, et 7 ans plus tard, donc, seuls 7 d'entre eux et un enfant seront retrouvés par le chevalier de Tromelin qui donnera son nom à l'îlot. Et pourquoi donc des fouilles sur cet îlot? Eh bien, c'est l'UNESCO qui a parrainé ces fouilles. Et que trouvent donc les chercheurs et les archéologues? Eh bien, 3 bâtiments qui furent construits avec des blocs de corail et des outils, burins, grattoirs, haches, y furent utilisés pendant ce séjour forcé. On trouve cela dans l'article de La Croix. Terminons par un hommage. Nous ne sommes pas les premiers à dire notre admiration pour le travail de metteur en scène et de cinéaste de Patrice Chéreau, dont on a appris la disparition avant-hier. Patrice Chéreau, qu'Antoine Lachand avait rencontré dans le cadre d'une série que la Fabrique de l'Histoire avait entrepris en 2008 sur l'imaginaire historique des écrivains et des artistes. L'intégralité de cet entretien a été transcrite par Taos Aïtsi Slimane sur son site fabriquedesens.net. Et il faut conseiller toujours fabriquedesens.net, où il y a beaucoup d'émissions de France Culture qui ont été retranscrites par Taos Aïtsi Slimane. Et donc, Patrice Chéreau parle de son rapport à l'histoire dans cet entretien. Je vous propose, pour clore ce billet, d'en entendre un extrait. Patrice Chéreau y évoque la reconstitution historique à propos de son film La Reine Margot. Toute La Reine Margot est partie d'une étude critique de ce qu'il ne fallait pas faire ou de ce qu'il fallait faire dans un film historique. Ne pas se laisser manger, dévorer par la reconstitution. Le mot reconstitution est un mot terrible. Il peut y avoir du plaisir à reconstituer. J'ai eu un plaisir énorme à l'inverse, qui est exactement l'inverse, à reconstituer le repas de Gabriel, par exemple. Et j'aurais pu, si j'avais pu prendre un peu plus de temps, j'aurais pu encore reconstituer beaucoup plus, comme Scorsese l'avait fait avec beaucoup plus de moyens, dans l'âge de l'innocence. C'est-à-dire vérifier les gants qu'on donnait aux gens des cartons. Voilà. Parce que le niveau de faste et de prétention sociale était important. Mais dans La Reine Margot, c'était exactement le contraire. Il était important de savoir que les discussions politiques pour savoir qui on allait massacrer se passaient sur un coin de table à la fin d'un repas, et qu'on avait cette... et que le modèle là n'était pas du tout l'histoire, ni aucun tableau qu'on a gardé de l'époque. Il y en a très peu d'ailleurs, il y a quelques gravures simplement, mais plutôt le parrain de Coppola. Si vous voulez donc entendre le reste de cet entretien avec Antoine Lachand de Patrice Chéreau à propos de l'histoire, eh bien vous allez sur le site fabriquedesens.net, plutôt le lire puisque c'est une retranscription. Alain Beltran, si vous preniez une nouvelle au milieu de toutes ces nouvelles pour pouvoir la commenter en tant qu'historien? Oh, c'est simplement, j'ai relu il y a très peu de temps le supplément au voyage de Bougainville de Diderot. Et donc il y a ces regards tantôt fascinés, tantôt critiques sur les autres, sur alors là c'est les Tahitiens dans le cas de Diderot, et pour dire finalement qu'il y a une morale familiale et sexuelle bien supérieure à la France du XVIIIe siècle, mais c'est vrai qu'on a aussi le regard tout à fait contraire et très critique sur des mœurs cannibales et autres, etc. Donc c'est vrai que depuis Montaigne jusqu'au XIXe siècle, on pourrait, ce serait une véritable étude historique à faire. Luciette Levent-Lemel, vous avez écouté ces petites nouvelles. Il y en a une qui vous a touché particulièrement ou intéressé particulièrement? J'ai été surprise par le choc entre les deux groupes, si vous voulez, sur l'espèce d'incommunication entre ceux qui restent sur place et, oui. Et puis ceux qui sont partis. Enfin, c'est... et ceux qui s'en vont en disant « on reviendra ». Oui, oui. Ne reviennent pas, évidemment, sur cet îlot de Tromelin. Et vous, Jean Vigreux, qu'est-ce que vous avez entendu dans cette chronique et ces petites brèves ? Il y a plusieurs choses, mais j'en retiens qu'une, celle de Philippe Contamine, marquée par la guerre, hein, une jeunesse pendant la Seconde Guerre mondiale, marquée par les bombardements, et puis marquée par la guerre d'Algérie. En fin de compte, c'est la France... Et fils d'un historien militaire. Et faisant de l'histoire militaire. Et faisant de l'histoire militaire aussi. Donc, toute une France marquée par les guerres de 1939 à 1962, qui amène à des engagements particuliers du rôle de l'historien, et puis aussi pour déterminer de nouvelles carrières. Et ça, c'est intéressant. Et c'est la vertu, effectivement, de l'égo-histoire. Il y a une ANR qui vient de se créer donc, sur cette question-là. Donc, essayer de rassembler des récits d'historiens qui viennent juste d'être créés, en particulier par Patrick Garcia. Patrick Garcia et d'autres. Il y a toute une équipe, même en province, même l'Université de Bourgogne fait partie de cette ANR. Et cette logique d'historicité. Une ANR, il faut dire pour nos auditeurs qui ne seraient pas universitaires, c'est un programme de recherche. Un programme de recherche. Il y en a de deux types. Il y en a qui sont de type de recherche, comme celle-ci, et puis d'autres qui sont corpus. C'est-à-dire qu'on ne travaille plus sur des corpus. Et là, on va travailler sur les récits d'égo-histoire, d'HDR, ou même. HDR, donc habilitation à diriger les recherches. Donc, comment les historiens aujourd'hui, enfin les historiens en particulier, mais donc doivent, lorsqu'ils veulent obtenir un grade universitaire, donc présenter un dossier dans lequel ils s'expliquent, ils se mettent à nu d'une certaine façon, voilà, ils racontent leur propre histoire et comment cette histoire croise leurs recherches. Et donc, il y a beaucoup de dossiers d'HDR qui ont été faits, des récits d'égo-histoire. Et donc, cette ANR veut étudier tout ce corpus, justement, de récits d'égo-histoire pour essayer de comprendre ce que les historiens disent d'eux-mêmes, d'une certaine façon, c'est cela. C'est un parcours, des parcours, et ça permettra de travailler sur les réseaux et sur aussi les enjeux historiographiques. Voilà, merci donc pour ces commentaires, mais nous allons passer tout de suite au débat de ce jour. Trois photos. La cuisinière à charbon a repris sa place dans la cuisine. Le vieux poêle émaillé est ressorti de la cave. Le seau à charbon rempli à ras-bord est revenu dans le cagibi. On les avait abandonnés pour améliorer le confort familial. La chaudière à mazout, dans la cave, répartissait la chaleur dans chaque appartement. C'était bien pratique. Le rival du charbon avait remporté une victoire. Le pétrole gagnait une bataille, mais pas la guerre. L'homme du XXe siècle a besoin d'énergie pour son développement. Comme dans toute société de consommation, il en use et il en abuse. Tous les 10 ans, nous consommons 2 fois plus d'essence pour nos voitures. Les combustibles de toutes sortes voient leur utilisation doubler tous les 25 ans. Quelle que soit la crise actuelle, de toute façon, nous courons un jour ou l'autre à l'épuisement. Voilà donc pour cette archive d'octobre 1973 où on entend le présentateur très célèbre à l'époque, Yves Mourouzi, à la télévision française, expliquer que l'énergie est nécessaire à la société de consommation et qu'il faut donc, à partir du moment où le pétrole augmente, eh bien, réfléchir à faire revenir le poêle à charbon. Alors voilà donc la réflexion qui pourrait nous rassembler ici lors de cette 4e émission consacrée à l'année 1973, Alain Beltrand, la crise, la fameuse crise pétrolière. Quelle est-elle cette crise exactement ? Exactement, parce que lorsque nous avons annoncé à nos auditeurs que nous traitions de la crise de 1973, beaucoup nous ont dit, mais de toute façon, ça n'est pas le prix du pétrole et son augmentation qui a conduit à la crise. Il y a une crise avant et le prix du pétrole ne fait que faire démarrer, flamber cette crise. Mais ça n'est pas le pétrole, comme souvent on l'a dit, qui est à l'origine de cette crise. Alors, vous êtes historien de l'énergie, historien de l'économie. Qu'en est-il exactement pour se mettre au clair sur cette histoire ? Évidemment, la réponse est toujours un petit peu à mi-chemin. Il est évident qu'il y a des symptômes de crise bien avant. On peut rappeler d'abord que l'OPEP a été créé en 1960, que les prix du pétrole, alors j'ose à peine le dire, c'était 1 dollar le baril. Les prix sont passés... Aujourd'hui, c'est 100 dollars. Hein, oui, mais voilà. Donc, pour faire simple, c'est vrai que ça fait un peu peur. Voilà. Ils sont passés ensuite à 3 dollars. Donc, il y avait déjà une première augmentation due au fait que les pays producteurs se sont rendus compte qu'ils avaient un produit qui était finalement sous-évalué. D'autre part, il y a des nationalisations. Pour nous, Français, la nationalisation de 71 du pétrole et du gaz algérien. Et puis, il faut ajouter crise monétaire. En 71, Nixon fait décrocher le dollar, l'échange flottant. Nous-mêmes, la France, on va sortir de ce qu'on appelait le serpent monétaire début 74. Donc, il y a tout un ensemble d'éléments qui montre qu'il y a une crise déjà, et en tout cas, il y a des signes de fébrilité ou d'affaiblissement. Mais là-dessus, quand même, un pétrole qui, en 3 mois, est multiplié par 4, c'est quand même un choc qui, pour les économies, en particulier pour la balance commerciale, extrêmement lourd. Alors, quelle est la place de ce pétrole dans l'économie globale, pourrait-on dire? Vous disiez 1 dollar puis 3 dollars le baril. On se dit le résultat de cela, c'est évidemment une énergie qui n'est pas très chère, mais néanmoins, on commence déjà à parler de pics de production, en particulier aux États-Unis. Donc, on commence à avoir un petit peu peur, Alain Beltrand, de ce qui pourrait se passer avec ce pic de production. Qu'y aura-t-il derrière ce pic de production? Est-ce que la production de pétrole ne va pas décroître? Qu'est-ce qu'on peut en dire de la place de ce pétrole dans l'économie globale? Alors évidemment, il faudrait faire varier la réponse selon les pays. Il y a des pays qui sont extrêmement dépendants pour leurs importations, le Japon, l'Italie, la France. Il y a des pays qui sont moins dépendants, on va prendre le cas de l'Allemagne, parce qu'elle a beaucoup de charbon. Mais en tout cas, le pétrole, c'est l'industrie, c'est l'énergie, c'est les transports, et donc c'est une matière, c'est la chimie aussi, c'est une matière première tout à fait indispensable. Il y a des... Je dirais aussi qu'il y a des cultures. Je vais un peu caricaturer, il faut aller vite, mais pensons à la culture de l'automobile aux États-Unis et qui n'est pas du tout celle de l'Europe. Aux États-Unis, vu le style de construction, les banlieues immenses, etc., l'automobile s'est considéré comme un élément de l'American way of life et je dirais même de la liberté tout court. Si j'osais dire. L'époque d'Easy Rider aussi. C'est oui, c'est des ça. Road movie, donc on... Des road movie, etc. C'est le nouveau cheval du cow-boy. Ouais. Voilà, et donc c'est la liberté. Et le cow-boy, il a aussi un autre instrument de liberté, c'est l'arme. Alors évidemment, je caricature un petit peu, mais c'est vrai. En Europe, on n'en est pas tout à fait là, on gâche moins l'énergie. Mais ceci dit, pour reprendre votre question, pendant longtemps, la croissance de la consommation d'énergie et la croissance économique tout court étaient relativement liées. Par exemple, pour l'électricité, c'est très clair, depuis les années 20, on double la consommation tous les 10 ans. Alors, il y a donc certains des auditeurs qui m'ont fait parvenir évidemment des petits textes sur lesquels ils disent que les Américains avaient déjà plus ou moins prévu ce qui se passait, en particulier les compagnies mondiales avaient aussi intérêt à ce que le pétrole augmente pour peut-être aussi augmenter leur marge, qu'un certain James Atkins, que je ne connais pas, avait été nommé en Arabie Saoudite comme ambassadeur et qu'il avait plus ou moins suggéré dès 1972, justement peut-être aussi pour que les compagnies restaurent leur marge. Donc une augmentation du prix du pétrole à 4 ou 5 dollars, c'est de la rumeur ou c'est de la réalité cela, Alain Beltrand ? Il y a une réalité, c'est-à-dire qu'un pétrole plus cher permettrait par exemple d'exploiter d'autres pétroles, des pétroles américains. Sinon les pétroles du Moyen-Orient sont tellement bon marché qu'ils empêchent toute exploration ailleurs. On n'aurait jamais exploré la mer du Nord si le pétrole n'avait pas augmenté. Donc, et puis d'autre part, évidemment, les compagnies ont des marges qui sont beaucoup plus larges. Donc c'est vrai que ce n'est pas une totale catastrophe. Malgré tout, j'ai du mal à comprendre que l'embargo, et l'embargo touchait deux pays en particulier, les États-Unis et les Pays-Bas, à cause de leur soutien indéfectible à Israël. Donc là, je veux dire, on peut voir une politique des sociétés pétrolières américaines, mais il y a quand même autre chose qui est cet embargo politique. Embargo d'ailleurs qui ne touche pas la France. On n'a jamais vu autant de pétroliers passer au port du Havre qu'à partir de 1973. Alors, en un mot, la France est protégée de cet embargo. Ça ne veut pas dire qu'on ne panique pas non plus, mais nous sommes protégés de l'embargo d'une part parce que nous avons une politique pro-arabe. Mmh. Depuis 1967, il y a un changement de la politique. Même si on subit l'augmentation des prix malgré tout. Bien entendu. Et on a un super, le contrat du siècle avec l'Arabie Saoudite, 30 millions, 60 millions de tonnes. Et qui, en fait, c'est un pétrole qui sera aussi cher que les autres, qui n'est peut-être pas forcément une autre. Mais c'est vrai que nous sommes à l'abri. Et ce qui explique aussi pourquoi la France ne fera pas partie de l'Agence internationale de l'énergie. Alors, Lucette Levent-Lemel, vous êtes spécialiste d'histoire de l'économie et c'est aussi des théories économiques et de leur application dans la politique. Comment, quand arrive cette augmentation du prix du pétrole, les économistes réagissent-ils? Vous parlez à certains endroits, dans un article de 20e siècle en particulier, du désarroi des économistes. C'est-à-dire que ces économistes semblent un peu, comme une poule devant un couteau, devant ce qui est en train d'arriver, alors qu'ils avaient d'autres modèles, les modèles de la crise de 1929, d'autres modèles antérieurs. Et donc, ils réfléchissent avec ces autres modèles et ils ne comprennent pas très bien ce qui est en train de se passer, Lucette Levent-Lemel. Oui, c'est effectivement ça. Mais ça n'est pas lié, il n'y a pas que la crise de de cette date qui provoque cette réaction. Moi, j'ai l'impression, quand j'ai étudié les réactions des économistes français devant les crises, qu'ils utilisaient toujours la théorie d'avant. Bah, bien sûr, c'est comme pour les guerres, généralement. Sinon, on ne les perdrait pas. Donc, généralement, on utilise la théorie d'avant. Et donc là, en l'occurrence, pour 1973, ils utilisent quel type de théorie pour comprendre ce qui est en train de se passer sous leurs yeux? C'est-à-dire, ils sont plutôt désarmés. Ils pensent que, de toute façon, le fait qu'on va cesser de commander du pétrole ou on va cesser de recevoir ce qu'on avait l'habitude de commander va faire monter les cours et que les pays producteurs vont avoir intérêt à produire plus. Et que cette crise, c'est une crise temporaire, c'est quelque chose... Il m'a semblé qu'il y avait une forte sous-estimation de la crise au début. Oui, et en particulier de la part de celui qu'on avait appelé à l'époque le premier ou le meilleur économiste de France, à savoir Raymond Barre, qui va devenir Premier ministre et qui, lui-même, dans sa conception économique, ne conçoit pas très bien ce qui est en train de se passer, dites-vous, Lucette Levent-Lemel. Non, il a l'impression que c'est comme d'habitude, c'est-à-dire le prix du pétrole risque d'augmenter si on en fait venir moins, mais on va s'adapter, et puis c'est une crise temporaire, ça assainit, ça élimine les canards boiteux, après tout, tant mieux. Anaïs Quien. Et puis peut-être qu'à ce moment-là, ça éclaire de manière différente le rapport de l'Occident aux pays producteurs de pétrole et aux pays du tiers-monde. De manière générale. Oui, oui, il y a un rapport inégal, ça c'est évident. Oui, oui. Alors, Jean Vigreux, vous êtes en train de rédiger, de mettre la dernière main à un ouvrage qui paraîtra au mois de janvier, donc dans la nouvelle collection de l'histoire de France, de la France contemporaine aux éditions du Seuil. Oui, dirigé par Johan Chapoutin. Voilà, et ce volume qui s'intéresse aux années 1958-1981, on est en plein dedans, et ça s'appelle « Croissance et contestation », c'est ça le titre de ce volume. Alors, vous la voyez comment cette crise de 1973, vous dites que c'est un tournant cinglant, donc, et que, évidemment, la croissance va aller décélérant. Donc, ensuite, après cette crise de 1973, après avoir été galopante auparavant, mais vous dites que certains économistes, qu'a sûrement lu Lucette Levent-Lemel, donc, avaient déjà averti, en particulier quelqu'un que je ne connais pas, qui s'appelait Léon Duprier, qui était donc un économiste à la faculté catholique de Louvain, et avait dit au milieu des années 60, eh bien, la croissance est hors norme, cette croissance économique européenne est hors norme, et donc, elle ne peut pas durer, Jean Vigreux. Oui, il était parti d'un constat tout simple, lié à la reconstruction, lié à l'entrée dans une société de consommation et qu'au bout d'un moment, eh bien, tous les biens de consommation étant achetés, les gens ne pourraient plus à nouveau consommer. Donc, c'est un peu la question qu'on se pose aujourd'hui. Classique, je pense, des cycles historiques et de choses que l'on peut encore avoir de nos jours. Mais je pense que ça vient aussi permettre de revisiter cette expression des Trente Glorieuses. Mm-hmm. À la fois parce qu'on avait des taux de croissance très forts. On reste quand même, après 73, à plus de 3% de croissance. Oui, en moyenne. Aujourd'hui, en moyenne. Entre 73 et 79. Oui, jusqu'à 79, ça ferait rêver aujourd'hui. Mais, à contrario, ça remet en cause cette perspective des 30 glorieuses, parce que ce n'était pas simplement les 30 glorieuses, ça pouvait être aussi les 30 pollueuses, ça pouvait être aussi les 30 massacreuses. C'est-à-dire, on peut... Il y a une contre-histoire des 30 glorieuses qui vient juste de sortir. Voilà, il y a une contre-histoire qui vient de sortir. Et je pense que c'est intéressant de prendre aussi cette vision des choses. En revanche, ce qui est clair, je dis que c'est un grand tournant. Pourquoi ? Parce que on l'évoquait, même si l'automobile n'a pas le poids qu'elle a aux États-Unis, mais 60% aujourd'hui, en 1973, pardon, des ménages sont équipés en automobile, plus de 60%. Tout le monde, il y a sa voiture, le rêve de la voiture, le chauffage. Alors si c'est le gaz ou pas le pétrole, que ce soit des maisons individuelles ou que ce soit des habitats collectifs, on avait une énergie pas chère, donc on n'isolait pas. On construisait de manière sans isolation. Bon, des questions qui aujourd'hui résonnent beaucoup plus, mais ça joue beaucoup sur la facture et sur la consommation. Donc c'est une rupture. Mais effectivement, il y a les enjeux géopolitiques. La France a toujours des alliés, et a des alliés pro-arabes. Hein. Je crois que Michel Jobert déclarait que c'était normal pour la guerre du Kippour qu'un peuple aille retrouver sa terre et aille sur sa terre. Donc ça a joué aussi sur les rapports, même si on paye plus cher le baril du pétrole. Alors, Lucette Levent-Lemel, quand on regarde ces théories économiques, vous expliquez que la théorie keynésienne a toujours fonctionné jusqu'à ces années-là, et que là, d'un seul coup, et en particulier a été confirmée plus ou moins par ce qu'on a appelé plus tard les Trente Glorieuses. Et là, d'un seul coup, on se retrouve face à une aporie, une impossibilité de comprendre ce qui est en train de se passer. La théorie keynésienne, elle ne fonctionne plus véritablement. On va quand même essayer de la faire fonctionner plus ou moins, mais ça ne va pas très bien marcher, en l'occurrence, le vent le même. C'est parce que la théorie keynésienne, elle organise l'économie dans un seul pays. Tout est centré sur chaque nation qui adopte le keynésianisme. Et quand on est en face d'un problème international, c'est visiblement un problème de relations internationales, ce problème pétrolier, la théorie keynésienne est mise en échec. Et à cause de ça, il y a un choc intellectuel devant cette crise du pétrole. Et les discours optimistes des hommes politiques, ça va passer, une crise c'est bien parce que ça élimine les canards boiteux, etc. Combien de fois on a entendu pendant le début de cette crise l'idée de la sortir du tunnel? On va bientôt sortir du tunnel. Oui. Moi je me souviens d'avoir entendu tous les premiers ministres des années 70 et du début des années 80, une fois la gauche arrivée au pouvoir, qui dit ça y est, on va sortir du tunnel. On a comme l'impression que c'est donc temporaire comme un tunnel, ça a une certaine longueur, mais au bout d'un certain temps on en sort forcément. Et effectivement, on a bien vu que ce n'était pas tout à fait le cas, en l'occurrence, Lucette Levent-Lemel. Oui, c'est effectivement, c'est une crise plus grave que ce qui était prévu. Anaïs Quin. D'ailleurs, quand on écoute les discours, enfin les communications du Premier ministre Pierre Messmer au lendemain de ce choc pétrolier, on est étonné par la dimension culpabilisatrice et moralisatrice, c'est-à-dire ne vous inquiétez pas, d'un point de vue international, la France est toujours bien lotie. Par contre, faites un effort, tapant sur les doigts des Français en disant jusqu'à présent, nous étions dans l'abondance, nous n'avions pas besoin de faire attention. Aujourd'hui, éteignez la lumière quand vous quittez la salle de bain. Jean Vigreux, sur cette question moralisatrice, ce rapport moralisateur à l'économie? Oui, bien sûr, il faut toujours en jouer sur la grandeur de la France. Il ne faut jamais perdre de vue qu'on est dans ces années pompidoliennes qui prolongent les années gaullistes et gaulliennes, donc la grandeur de la France à l'échelle internationale. Mais en même temps, ces années pompidoliennes ont été celles d'un accélérateur, je pense, de l'histoire sur la production, sur les routes, enfin sur l'aménagement du territoire, beaucoup plus fort encore que ce qui existait sur la période de Pompidou. Et on demande, bien sûr, à la société de faire des efforts. C'est le début des économies d'énergie, la chasse au gaspille, le slogan « La France n'a pas de pétrole, mais a des idées, n'est pas loin et pointe », etc. Donc on est, en quelque sorte, on se retourne sur la société de consommation. Et sur les Français. Et puis aussi Alain Beltrand, un an avant le déclenchement de cette crise, il y a eu le rapport du Club de Rome qui a commencé à nous expliquer, à expliquer aux contemporains que le monde était fini d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'il faudrait faire attention à la production, en particulier les ressources naturelles étaient à protéger. Un début d'explication, peut-être avec la naissance en parallèle de l'écologie politique, par exemple, d'une planète qu'il faudrait protéger et ne pas trop exploiter. Ça a un rapport avec ce qui est en train de se passer en 1973? Oui, les années 70, c'est une prise de conscience écologique, c'est très clair. Alors, il y a le rapport de Rome, halte à la croissance, d'une croissance débridée, etc. Il ne faut pas oublier qu'il y a un géologue en 71 qui a dit que... On a parlé déjà du peak oil, mais qui ne touchait que les États-Unis. Peak oil, donc c'est le moment où on atteindrait le maximum des ressources pétrolières. C'est-à-dire qu'on consommerait plus qu'on ne trouve. Et donc forcément, ça poserait des problèmes. Bon, c'était il y a 40 ans, donc vous voyez, ça relativise un petit peu les choses. Mais oui, parce qu'on avait dit que le peak oil arriverait, à partir des années 80, on n'aurait plus de ressources suffisantes pour pouvoir faire... Pour reprendre au fond le même raisonnement que Lucette Levent, c'est tout à fait exact pour les États-Unis, mais alors quand on passe à toute la planète, ça devient beaucoup plus compliqué. On peut rappeler aussi que il y a dans le courant des années 70 un certain nombre de catastrophes écologiques, par exemple des navires qui viennent s'échouer assez régulièrement à la fin des années 60 et 70. Torrey Canyon, à Mogokadis et autres. Donc en Allemagne, il y a le phénomène des pluies acides. Donc il y a une véritable, je veux dire, prise de conscience qui dure bien dans les années 70. Pour ça que, en dehors de l'année 73-74, les plans Messmer, tout ce qu'on a dit, je crois qu'il y a une prise de conscience d'un monde différent et d'un monde peut-être plus fragile. Et on quitte au fond un 19e siècle scientiste. Et c'est la première candidature écologiste aux élections présidentielles en 1974 en France, en tout cas, Alain Beltran. Avec un verre d'eau assez célèbre. Un verre de lait, non ? Non, le verre de lait, c'était Mesmer, c'était Mendès France. Et le verre d'eau, c'était en l'occurrence Dumont. C'était René Dumont, candidat des Amis de la Terre. Et la bicyclette. Voilà. Et donc tout ça, vous voyez, on est dans des dates tout à fait qui correspondent. Et Alors expliquez-moi quand même une chose, Alain Beltran, parce que vous nous avez dit au début de cet entretien, cette discussion, vous nous avez dit que la France, normalement, n'avait pas de soucis à se faire. Donc, a priori, on avait nos approvisionnements pétroliers qui étaient assurés par des accords, en particulier avec l'Arabie saoudite. Pourquoi le gouvernement Mesmer réagit-il de cette façon ? Lance-t-il cette campagne d'économie d'énergie ? Alors qu'a priori, on n'est pas les plus touchés. Vous, dans une discussion que nous avons eue il y a quelque temps avec vous, Alain Beltran, vous me rappeliez que les Hollandais roulaient à vélo sur les autoroutes parce qu'il n'y avait plus d'essence en Hollande puisqu'ils étaient touchés par l'embargo. Nous ne l'étions pas. Les Allemands ne roulaient plus du tout en voiture le dimanche. Voilà. Donc, qu'est-ce qui explique cette surréaction ? Y a-t-il eu surréaction de la France, en l'occurrence ? Je pense qu'il y a eu des petits phénomènes de panique, il y a eu des petits phénomènes d'accélération. Je pense qu'il y a une prise de conscience que nous sommes très dépendants du pétrole, mais je pense qu'il y a des termes, vous y faisiez allusion, on trouve des termes comme humiliation, la notion de dépendance, qui évidemment, c'est le contraire de l'épopée gaulienne. De l'indépendance. Mais de l'indépendance, nous sommes dépendants. Et pire que ça, nous sommes dépendants de pays arabes, dont certains finalement sont indépendants depuis peu de temps, dont l'Algérie qui vient de nationaliser notre pétrole qu'on avait trouvé, notre gaz. Excusez-moi, juste pour l'anecdote, mais en travaillant sur cette semaine avec Françoise Camard, la réalisatrice, on est tombé sur une chanson de Michel Sardou qui s'intitule « Ils ont le pétrole, mais c'est tout ». C'est tout. C'est-à-dire qu'effectivement, ils ont la matière première, les Arabes, mais par contre, nous, on sait quoi en faire. Mmh. Oui, non, mais il est évident qu'il y a des phénomènes, je ne vais pas dire jusque racistes et autres, mais il y a des phénomènes d'une grande puissance colonisatrice qui vient d'être bousculée, qui se rendent compte qu'elle est un petit peu tout nue. D'où des réactions, donc des réactions d'économie d'énergie qui n'ont rien d'original. Et puis la réaction du nucléaire, qui évidemment, elle est beaucoup plus intéressante. Qui est plus originale. Et donc là aussi, avec des gens qui nous racontent, qui ont assisté à ces discussions-là, qu'en un week-end, Pierre Mesmer, début 74, se retrouve à se dire, eh bien, tout compte fait, en demandant aux responsables d'EDF, on peut aller jusqu'à combien de centrales par an ? Le responsable d'EDF, à l'époque, lui dit, je crois que c'est Pierre Boiteux, lui dit, entre temps et temps par an, pensant qu'évidemment on allait prendre la moyenne, et en fait Mesmer le lendemain annonce donc qu'on construira tant, c'est-à-dire le sommet de la fourchette par an, parce qu'on va à toute force construire des centrales nucléaires, Alain Beltran. Alors c'est totalement exact, c'est une décision rapide, massive, et en même temps elle n'est possible d'un point de vue industriel que parce que depuis quelques années on a pensé se tourner vers le nucléaire d'une façon importante parce que le pétrole allait devenir rare. Mais tout ça, c'était les horizons années 80-90. Mmh. Donc on a préparé d'une certaine façon. On a accéléré. On pensait avoir plus de temps. Ouais. Et voilà, c'est tout. On a accéléré. Lucette Levent-Lemel devant cette panique qui saisit la France à ce moment-là. Il me semble que la France pose la question d'une façon plus profonde que d'habitude à propos de son rapport avec le tiers-monde et avec les pays habituellement dominés. On avait l'habitude, quand il manquait quelque chose, de faire jouer le rapport inégal. Bien sûr. Et là, pour une fois, là, le rapport inégal, il est dans l'autre sens. Et donc, on est surpris d'une certaine façon. Ah oui, façon, on est surpris. Le bras de fer est, disons, est en notre défaveur. Oui, oui, il est inversé et c'est la première fois qu'il l'est d'une façon aussi nette et aussi massive. Jean Vigreux, sur ce retournement et cette vision un peu post-coloniale aussi de cette histoire. Oui, il y a l'enjeu post-colonial, il y a l'enjeu aussi, on va dire, de mai-juin 68 et des effets de mai-juin 68, c'est-à-dire la prise en considération du tiers-monde. On a évoqué René Dumont tout à l'heure, il écrit un ouvrage qui condamne la croissance et qui en appelle, au début des années 70, à un nouveau rapport avec le tiers-monde. Donc il y a quand même une prise de conscience de différentes options. Alors bien sûr, dans ce qu'on a appelé, entre guillemets, le gauchisme, et dans les foyers révolutionnaires guévaristes ou maoïstes, toute cette pluriel et kyriel de groupes ont joué et ont défendu ces causes, mais pas simplement à ce niveau-là. C'est aussi dans d'autres champs politiques, dans le champ syndical, dans le champ associatif, où on s'interroge et où on pose en question cette société de consommation et les enjeux par rapport au reste du monde. Je pense que là, il y a des, comment dirais-je, une histoire globale qu'il faudrait faire, tant en histoire économique, tant en histoire géopolitique, qu'en histoire des conflits sociaux et de la conflictualité. Et ça, il y a des enjeux qui sont derrière et qui sont à mettre en avant. C'est ce qu'on essaye plus ou moins aujourd'hui de faire par cette histoire totale. Excusez-moi, What Do You Want de Gong, donc Gong, le grand groupe de ces années-là, donc les années 70 et 73 en particulier, avec Camembert électrique. Alors, si on veut réfléchir aux conséquences de cette crise, qui va payer la crise d'une certaine façon, Jean Vigreux, vous citez Jacques Marseille dans l'ouvrage qui va paraître au mois de janvier, qui disait qu'en fait, ce sont les entreprises qui ont payé la crise parce que l'excédent brut d'exploitation se dégradait fortement et que les salariés, jusqu'en 83, dit-il, en tant qu'analyste de l'histoire économique, eh bien, les salariés ont défendu leur part du gâteau, leur marge d'une certaine façon, leur salaire, avec acharnement. Qu'est-ce qu'il faut penser justement de cette question-là? C'est-à-dire ceux qui vont donc éponger la crise en train de se développer. Oui, Jacques Marseille avance cette thèse qu'on peut suivre, hein, qu'on peut comprendre et en même temps que l'on peut aussi critiquer en soulignant la montée en flèche du chômage. C'est-à-dire là, c'est quelque chose de neuf dans la société française alors que dans le mythe des Trente Glorieuses, on avait le mythe du plein emploi. 430 000 demandeurs d'emploi en 1974 et 1 million en 1977. Et 1 million en 1977. C'est-à-dire là, il y a un choc psychologique qui est franchi. Ça rappelle les années 30. Et c'est pour ça aussi l'intérêt de regarder les crises d'avant, parce qu'on a des effets mémoriels qui se rejouent. Oui, c'est-à-dire qu'on est forcément dans une mémoire d'une crise précédente. Et cette mémoire de la crise, elle a été vécue dans la chair des travailleurs et des ouvriers, par exemple, ou des cadres d'ailleurs. Et donc, on tente de ne pas la reproduire, en tous les cas. On tente de ne pas la reproduire. Donc, il y a des luttes syndicales très fortes, hein, alors qui sont souvent, bien sûr, sans débouchés positifs. On peut penser à la Lorraine, avec toutes les mobilisations sur les mineurs de Lorraine. Mais en fait, on y perd de tous. Hein, on avait fait une émission il y a très peu de temps avec un responsable syndical de Seine-Saint-Denis qui expliquait comment, à partir de 1973, toutes les usines de Seine-Saint-Denis, c'était un immense bassin industriel, la Seine-Saint-Denis, commencent à fermer les unes après les autres. Elles ferment les unes après les autres. On licencie. Et puis surtout, alors on va avoir aussi, et c'est là le paradoxe, puisqu'on évoquait tout à l'heure les contestations de la société, on peut avoir aussi les ouvriers qui se prennent en charge eux-mêmes. Le mouvement LIP, c'est 73, et ça montre autre chose et d'autres champs des possibles. Et c'est ça qui est intéressant. Alain Beltran, sur cette question, c'est-à-dire qui paye la crise d'une certaine façon. Alors c'est vrai que si on prend, par exemple, le témoignage de Pierre Messmer, qui n'aime pas tellement Valéry Giscard d'Estaing, lui, il a tendance à dire qu'on a épargné un petit peu les entreprises et que ce sont les consommateurs qui ont payé l'addition. Alors tout ça, effectivement, il faut regarder de très près les chiffres. Il est clair en tout cas que l'année 75 est une année de crise et qu'après ça repart et qu'on a l'impression qu'on va sortir et que tout ça n'a été finalement qu'un mauvais rêve. Mmh. Et en fait, ce n'est pas ça. Il y a vraiment des industries qui sont touchées très profondément, des marges qui sont laminées et donc ça correspond véritablement à un tournant économique. Anaïs Quin. Et puis à partir de 1977-1978, on assiste à l'application du plan Stoléru qui a plusieurs branches. Vous voulez nous l'expliquer ? Oui, les logiques en particulier. Jean Vigreux. À un moment donné, on va avoir, enfin, sur le plan sur les rues et sur les suites du plan sur les rues, hein, sous Giscard d'Estaing, l'arrêt des immigrés et de l'immigration. Il y a tous les enjeux du retour. Et on va aussi faire porter, l'incitation entre guillemets, l'incitation au retour. Alors, avec le million stolé, je mets des guillemets à l'expression, mais qui va aussi montrer quelque chose qui marque la société française depuis 72-73, et c'est assez marrant de voir qu'on est quand même dans cette histoire, la figure de l'immigré. Alors, je ne rappelle pas le meeting d'Occident de juin 1973 qui dénonce l'immigration sous toutes ses formes, mais toute la société, et Yvan Gastaud l'avait très bien montré, est à un moment donné marquée, voyant déjà le sud de la France, à Grasse en particulier, il y a des manifestations contre les immigrés, alors en même temps, la société réagit, il y a le Gisti qui apparaît au même moment, mais c'est la dénonciation en quelque sorte. On va trouver un bouc émissaire, voilà, un bouc émissaire de la crise. Ayons des travailleurs français, c'est mis en avant. Et puis même le PC va se lancer à un moment donné dans Produisons français. Et on voit dans quelle logique on se place au niveau global. Mais même, il y a deux campagnes de communication qu'on pourrait mettre en parallèle. En 1974, on a cette campagne. On n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Mmh. Et puis, avec le plan Stoléru, on a une autre campagne pour inciter les Français à retourner. C'est-à-dire que c'est un peu la fin des idées. Inciter les Français à retourner au travail manuel, donc à récupérer ces emplois qui seraient libérés par ces étrangers qu'on financerait pour retourner dans leur pays d'origine. Et donc là, entre ces deux campagnes de communication gouvernementale, on a tout un parcours, finalement, et un abandon, une résignation, peut-être. Sans doute. Lucette Levent-Lemel. Il me semble que c'est la fin d'une période un peu triomphaliste du rapport de la France avec le tiers-monde en général et avec des pays comme l'Espagne qui nous pourvoyait en femmes de ménage, etc., etc. Et qui brusquement retournent chez eux. Ils repartent. Le nombre de gens qui m'ont dit « Oh, j'avais une excellente femme de ménage espagnole », elle est repartie. Mais enfin, oui, comment se fait-il ? Mais l'Espagne connaît la transition démocratique avec la mort de Franco aussi. Exactement, il y a ce moment-là. Il y a cet enjeu-là, bien entendu. Oui, oui, non, mais bien sûr, je ne dis pas que c'est la cause économique est la seule, il y a des causes politiques. Mais le fait est que ça coïncide et que je trouve qu'il y a une espèce de choc moral de la relation vécue par les Français par rapport, pas seulement à l'Espagne, mais par rapport au reste du monde. On était des dominants. Les gens venaient chez nous, ils le voulaient, et puis maintenant, ils s'en vont. Et puis d'ailleurs, vous évoquiez tout à l'heure Alain Beltran, Valéry Giscard d'Estaing est le premier président de la République française à utiliser le terme de puissance moyenne pour la France, ce qui n'était pas auparavant le cas. On était une grande puissance, on était à la table des élus, des cinq du Conseil de sécurité, et donc à partir de ce moment-là, notre voix comptait. Valéry Giscard d'Estaing dit à partir de ce moment-là, au moment de cette crise qui se déclenche et qui se développe dans les années 70, nous sommes une puissance moyenne. C'est-à-dire que quand on regarde finalement le rapport de force, je crois que l'une des leçons de 73-74 qui se prolonge ensuite, c'est qu'il y a un tiers-monde qui est capable d'agir. Je dis un tiers-monde parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des pays du tiers-monde qui n'avaient pas de pétrole et qui ont doublement souffert de cette crise. Bien sûr. Donc cela, on n'en parle jamais, mais je veux dire, il faut y penser. J'ajouterai un point. Il y a une demande de la part, par exemple de l'Algérie, pour un nouvel ordre économique international, où en particulier les matières premières seraient payées à leur juste prix. Donc ça veut dire le phosphate, le fer, le cuivre, tout va augmenter. En fait, il y aura le pétrole, il y aura un petit peu d'autres matières premières, mais ça ne sera pas un emballement général, parce qu'il ne faut pas non plus tuer la poule aux œufs d'or. L'Europe et les États-Unis sont un moteur industriel, économique, de consommation extraordinaire. Et si on le tue, finalement, ça ne servira à rien. Alors, si on réfléchit à cette temporisation, cette périodisation qui est celle qu'on connaît habituellement, Jean Vigreux, je crois que vous remettez en cause, mais vous n'êtes pas le seul, évidemment, la périodisation de Jean Fourastier, des Trente Glorieuses, donc qui courrait justement jusqu'à cette crise et qui démarrerait au milieu des années 50. Vous dites, ça ne ne colle pas véritablement avec ce qu'on connaît, parce qu'il y a des vraies ruptures au milieu des années 60 qui précèdent donc cette crise de 1973, des vrais changements après cette période-là, dans les années 80, en particulier au milieu des années 80. Donc il faut peut-être réfléchir à une autre périodisation de cette période, justement, avec la crise en cœur et non pas en fin de cycle, d'une certaine façon. Oui, la crise en cœur de cycle. On pourrait inverser effectivement le regard et la focale sur laquelle généralement on nous présente cette période. En gros, l'après 45, voilà, ces 30 glorieuses classiques et tout. Mais non, les années 60 amènent déjà des changements importants, changements liés effectivement aux logiques de l'exode rural, changements liés aux logiques de l'immigration, changements liés aussi à l'entrée des femmes. Et ça, Xavier Vignat, pardon, l'avait très bien montré pour Le Monde ouvrier, l'entrée des femmes dans la classe ouvrière. Donc toutes ces nouvelles figures qui apparaissent et qui remodèlent totalement les contours sociologiques de cette classe ouvrière, l'apparition aussi des techniciens, l'apparition de nouvelles formes de métiers. La naissance des cadres. La naissance des cadres. Hein. D'ailleurs, les organisations politiques proches de la classe ouvrière vont inventer ITC, intellectuel techniciens et cadres, comme revue pour s'intéresser aussi à eux et pas avoir qu'une vision ouvriériste des choses. Et puis arrive mai-juin 68. Ça, c'est vrai, il y a toutes ces logiques de contestation et la crise. Et donc la crise serait au milieu, serait au cœur pour repermettre une redéfinition de la société, de l'économie, du champ politique également. Alain Beltrand ? Je pense que toute périodisation peut être revue. Hein. Et 1453 ou 1492, on peut en parler longtemps, c'est pas du tout ma période. Et je peux vous dire que Jacques Le Goff est en train de préparer un ouvrage justement pour pouvoir expliquer que la périodisation ne fonctionne pas pour beaucoup de périodes, et en particulier pour la fin du Moyen-Âge. En même temps, deux petites remarques. 30 glorieuses, ça ne veut pas dire grand-chose, parce qu'il y a simplement une reconstruction qui nous amène jusqu'à 50-52, donc... Ça serait plutôt les 20 glorieuses que les 30. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, il faut quand même voir que la hausse du niveau de vie, de la consommation des Français est spectaculaire et que nous avons un taux de croissance qui n'est battu que par le Japon. Donc, évidemment, c'est une croissance par moments débridée et qui laisse des conséquences. Mais je crois quand même qu'il ne faut pas jeter le bébé avec le du bain. Non, mais ce n'était pas le discours. Hein. Il y a toute une partie, effectivement, sur cette logique du mieux vivre. Hein, mais en même temps, pas pour tous, c'est pas toujours partagé, il y a des bidonvilles, il y a des choses aussi qu'il ne faut pas oublier. Lucette Levent-Lemel, sur cette discussion justement sur la périodisation et la place que tient la crise de 73 et aussi le second choc pétrolier de 1979, dont on n'a pas encore parlé, donc dans le remodelage justement de ces périodes historiques. Oui, moi je crois que c'est vraiment très important parce que cette fois-ci, on n'est plus les maîtres du monde. C'est la première fois, avant on comptait sur l'empire colonial ou les ex-coloniaux et tout notre réseau qui dépassait le monde colonial. Cette fois-ci, l'Occident, entre guillemets, au sens traditionnel du terme, est un peu battu et il est demandeur. Il se rétrécit d'une certaine façon, c'est-à-dire que l'espace qui était habituellement l'espace sur lequel on intervenait économiquement est de plus en plus rétréci. Oui, et le rapport de force s'inverse. Oui, c'est ce que dit Philippe Chalmin dans un article du Point cette semaine, il dit le pouvoir a changé de main, en l'occurrence. Oui, le pouvoir change de côté. Vous êtes d'accord, Alain Beltrand, dans ces années-là ? Il y a une prise de conscience, en effet. Mais en même temps, il y a quand même une puissance majeure, les États-Unis. Qui ne va pas se laisser non plus raconter des histoires tout de même. Par exemple, quand elle est à la base de l'Agence internationale pour l'énergie, la France ne veut pas suivre parce qu'elle estime que c'est une politique anti-arabe et que nous avons une politique plutôt de dialogue. Donc c'est vrai qu'on en reste aussi, puis il ne faut pas oublier, on n'a pas une seule fois prononcé le mot de l'URSS, on est encore dans une politique de bloc avec une URSS extrêmement puissante et qui se moque de l'Occident en disant « regardez dans quel état ils sont ». Est-ce qu'il n'y a pas l'obsession d'une puissance perdue tout de même à partir de ce moment-là ? C'est-à-dire l'idée qu'il y a quelque chose, comme vient de le dire Lucette Levent-Lemel, qui nous a échappé et qu'on aura du mal à retrouver. Donc une sorte de nostalgie qui expliquerait aussi le succès de l'expression « 30 glorieuses » dans le public en particulier, qui malgré les discussions des historiens et les débats autour de ces questions-là, n'arrivent pas à être entamées, en l'occurrence Alain Beltrand et Jean Vigreux. Je pense qu'il y a un peu plus de réalisme. La France est en effet, mais ça date peut-être de 1940, et nous avons perdu l'Empire, etc. C'est un pays qui se rend compte qu'il a certes des ressources, mais qui pèse d'un poids assez léger dans ce nouveau monde géopolitique. Mais justement, l'une des façons, puisqu'on n'a plus le verbe gaullien, l'une des façons, c'est peut-être la façon de jouer la passerelle, par exemple, entre le monde arabe et l'Europe. Et ça, c'est une volonté très affirmée de Georges Pompidou, qu'on ne trouve plus tellement chez Valéry Giscard d'Estaing. Jean Vigreux. Oui, c'est certain. Mais en même temps, on peut penser à d'autres échelles. La France va rejouer la France-Afrique. On va aller chercher l'uranium, puisqu'on évoquait le nucléaire. Donc, il y aura aussi d'autres champs des possibles, en quelque sorte, pour retrouver une puissance importante. Mais en même temps, pour revenir à cette logique de modernisation, de modernité, moi, j'aime bien rappeler un film. C'est un film plutôt humoristique des années 60, Un gendarme à Saint-Tropez, où on voit le gendarme qui commence et qui arrête en quelque sorte quelqu'un pour, en noir et blanc, hein, le film, qui arrête des gens pour des affaires de vol de poules dans un village. Et puis il a sa mutation, il arrive à Saint-Tropez, ça passe en couleur, on change de musique, le rythme s'accélère, c'est la musique yéyé, etc. Et qui montre bien aussi, même si pour évoquer cette modernisation, cet enrichissement, et qui montre bien ce passage au cours des années 60, et c'est peut-être plus là le tournant, pour revenir à la question de tout à l'heure sur les temporalités, que la crise en elle-même, qui, elle, est au cœur de la période. Et puis, effectivement, cette crise va se poursuivre et se terminer. On n'a pas le temps d'en parler véritablement. Alain Beltran parle le second choc pétrolier. Là, c'est un véritable choc économique plus important encore que le premier. Il semble que, enfin, selon les pays, le second choc pétrolier 1979, donc dû aux événements iraniens, donc triplement, on passe à 36 dollars le baril. Donc, je veux dire, tout à l'heure, on était à 3. Ça fait quand même une certaine différence, même s'il faut faire jouer l'inflation, etc. Donc, c'est vrai que là, on est dans un pétrole qui maintenant sera différent. Mais comment dire, j'ai l'impression, en tout cas pour la France, un certain nombre d'éléments avaient été pris en compte, ce qui fait que le second choc pétrolier a été finalement un petit peu mieux digéré, mais il faudrait ensuite voir par pays, que le premier. Je crois que le premier, il y a eu un effet de surprise, même si des pétroliers avaient dit « faites attention, ça ne va pas durer comme les contributions ». Et là, le second choc pétrolier, il y a quand même des mesures qui avaient été prises et on est déjà moins dépendant du pétrole qu'en 73-74. Merci à tous les trois d'être venus pour conclure donc cette série consacrée à l'année 1973. Lucette Levent-Lemel, on peut lire votre article justement sur les conséquences de la crise de 1973 sur la pensée économique dans la revue 20e siècle. C'était un numéro d'il y a 7 ou 8 ans maintenant, je crois, à peu près. Alain Beltran, qu'est-ce qu'on peut lire pour pouvoir prolonger la réflexion sur cette question-là de vous? Écoutez, il y a un certain ouvrage sur le pétrole et puis je vais faire de la publicité pour moi-même. Le prochain colloque sur le pétrole s'appellera « Les routes du pétrole ». Évidemment, donc, dans une optique historique. Et puis, Jean Vigreux, on attend avec impatience la parution de votre livre qui s'intitule donc « Croissance et contestation » aux éditions du Seuil dans la collection de la nouvelle Histoire de la France contemporaine. Ça sera en janvier. Merci encore. Merci. Et on se retrouve dans quelques heures à Blois, vous, moi, toute l'équipe de la Fabrique de l'Histoire, Anaïs Pierre. On est sur le départ, on s'en va donc pour les rendez-vous de l'Histoire dont le thème est la guerre. Et on donne rendez-vous à nos auditeurs, évidemment, demain, après les matins de France Culture, de Marc Guinchet, où il recevra Pierre Nora. Nous serons donc à la bibliothèque de l'Abbé Grégoire, à l'auditorium. Et on y sera donc pour discuter d'un livre de Nicolas Mario. Oui, et puis on discutera aussi de « Il filme le peuple » d'Anya Szczepanska, que vous pouvez voir d'ailleurs dès aujourd'hui. Aujourd'hui à Blois à 18h. Et puis venez nous rencontrer toute l'équipe de la Fabrique de l'Histoire. Dès demain vendredi à 14h30 et samedi à 11h30. Ça sera à la bibliothèque de l'Abbé Grégoire. On vous attend pour discuter avec nos auditeurs, justement.